19 minutes et on accueille Raymond Poirier, chargé de communication à l'Institut de technologie de l'information et société à l'Université Laval, donc le ITIS. Bonjour Raymond. Bonjour David. Et ça va bien? Mais ça va très bien, ça va très bien. Une grosse semaine de réflexion. Ben oui. Et nécessairement, mais ce mercredi, la journée de l'informatique du Québec qui revenait, c'est un des gros événements dans la sphère techno, dans l'univers TI à Québec et au Québec. Quand même 1600 personnes qui étaient réunies au centre des congrès. Et il faut dire, le sujet dont je te parle ce matin, ça a quand même été passablement médiatisé. Alors, je me suis dit que plutôt que d'essayer de creuser un sujet, on se lancerait plutôt sur une série d'idées, parce que c'est un peu ça, des journées comme ça, des congrès, des colloques, quand j'y vais, quand j'y participe dans le cadre de mes fonctions. L'idée, c'est d'aller s'alimenter, d'alimenter notre réflexion, nos perspectives. Alors, on se lance un peu avec une pétarade de perspectives. Bon, ben allons-y, commençons. Juste pour rappeler aux auditeurs, c'est ça, c'était une journée, c'est pas une journée nationale de l'informatique, mais presque. C'était un peu le congrès annuel qui finalement, c'était le plus gros. Donc, c'était mercredi, et puis il y a eu plusieurs conférences, comme tu disais. On va commencer avec un premier sujet. On va commencer avec les TIC comme outils de productivité. Exactement, parce qu'en fait, la plupart des éléments qui ont été amenés ont, à mon sens, racerté l'importance des technologies de l'information dans le développement social. Bon, à différents degrés, et on le sait, il y a plusieurs défis auxquels sera confronté le Québec au cours des prochaines années, ou l'est déjà confronté. Il y avait René Vézina, chroniqueur au journal Les Affaires, qui était sur place pour dire, ben regardez, les technologies de l'information et des communications, ça peut être l'un des outils, voire l'un des outils primordiaux pour relever, par exemple, le défi du vieillissement, pour relever également cette réalité des régions où on voyait un exode de certaines populations, des jeunes qui allaient vers les grands centres. Alors, il disait, ben regardez, d'un côté, les TI peuvent permettre d'augmenter notre productivité, donc de pouvoir rentabiliser au maximum nos heures de travail, le potentiel aussi de travailleurs qu'on a ici au Québec. Et parallèlement, en connectant bien les régions, en s'assurant justement que les accès au web sont disponibles partout, eh bien, ça a nécessairement un aspect très égalitaire, puisque on pourra nécessairement travailler en Gaspésie, par exemple, via le web, en collaboration avec des gens de Québec, avec des gens de Montréal, d'Abitibi. Donc, ça amenuise peut-être un peu les distances. Et Dieu sait qu'au Québec, ben, les distances, elles sont énorme. Ouais, effectivement. Et ce qui est intéressant dans la productivité, parce que là, tu as parlé de vieillissement de population aussi, qu'on le veuille ou non, on va avoir besoin de productivité supplémentaire, parce qu'avec le départ d'autant de personnes de la population active, on va se ramasser avec une main-d'œuvre, les personnes qui vont travailler, donc un marché de l'emploi où les gens vont devoir être aussi productifs, faire avancer autant ce qu'on a mis en place en tant que société avec beaucoup moins d'effectifs. Donc, nécessairement, on a besoin de moyens pour pouvoir être plus efficace. C'est vraiment une question de rentabiliser le temps, l'énergie, l'efficacité d'un peu tout un chacun. Et je parlais tout à l'heure, David, de diminuer les distances. Je pense que les TIC, il y avait une autre conférence, celle de Christian-Marc Lanouette, qui est chargé de projet télésanté au ministère de la Santé et des Services sociaux, qui a fait un espèce de panorama des projets en télésanté. Donc, je me suis dit, ben voilà, les technologies, un bel exemple de leur utilisation dans un côté égalitaire et également pour donner un petit coup de pouce à certains problèmes qu'on retrouve dans le milieu de la santé, parce que un peu comme la population du Québec, on parlait des régions, donc je pense que c'est pratiquement 80% de la population qui habite dans la vallée du Saint-Laurent, 45% dans la région de Montréal. Il y a des régions donc dans lesquelles il y a beaucoup plus facilement accès à des spécialistes, mais quand on est au Nunavik, en Abitibi, en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine ou dans la Basse-Côte-Nord, ben la réalité est radicalement différente. Et au ministère, ils ont commencé à mettre en place des projets de télésanté et de visioconférence. Donc, l'idée de pouvoir utiliser l'ordinateur, les caméras à définition élevée, bien entendu, puisque dans certains cas, faut voir les plaies, faut voir les éléments pour pouvoir rencontrer des patients à distance. Donc, on a un spécialiste, par exemple, qui est à Québec et on a un patient qui est aux Îles-de-la-Madeleine. Pour le patient, ben, il s'agit d'avoir une infirmière avec lui qui va pouvoir faire les examens tactiles, en fait, voir les choses sur place, en rapporter au médecin. Le médecin qui, avec des caméras, va pouvoir, exemple, pour le suivi des plaies, faire des zooms extrêmement précis à haute définition. Et il va pouvoir émettre des diagnostics sur la question. Ici, à l'Université Laval, on participe à un projet de télépathologie en chirurgie, en fait, exemple, dans le cas d'un cancer, bon, on enlève la masse cancéreuse, mais il faut faire des examens pour savoir s'il faut en enlever plus ou en enlever moins. Ça se passe pendant que le patient est sur la table d'opération. Alors, dans tous ces cas-là, ben, pour que l'opération puisse se faire, il faut avoir un pathologiste disponible. Il n'y en a pas partout. Ouais. Et donc, avec un système de télépathologie, ben, on peut donc scanner les éléments à examiner, les planches microscopiques. Il y a possibilité de rendre un diagnostic à distance et dire, ben voilà, OK, enlevez-en encore un peu ou c'est beau, vous pouvez refermer, le patient va s'en sortir. Puis c'est un peu, ça s'inscrit pas mal aussi dans toute la ligne directrice présentement du gouvernement québécois qui veut informatiser son système de santé. On sait que ça a pris du temps avant que ça se concrétise, mais tranquillement pas vite, on va être en mesure d'avoir des diagnostics beaucoup plus rapides avec notamment là, tous les patients qui vont être répertoriés dans un système informatisé qui va être accessible aux infirmiers et aux infirmières de façon très rapide. On n'aura pas besoin de passer là, par un tiers parti là, avant d'avoir accès au dossier médical. Donc, avec ce que tu rajoutes en plus, ça va devenir drôlement efficace comme système de santé. Là. Exactement. Pour l'instant, c'est les projets pilotes, les éléments télésanté, mais si ça fonctionne et si les moyens sont là pour les implanter à grande échelle, eh bien, ça sera extrêmement intéressant. Simplement à ce niveau-là, donc encore là, pour rentabiliser au maximum les effectifs et pour diminuer le sentiment de distance. Quoi qu'il y a encore des grosses questions qui se posent, parce que déjà là, en ce moment, dans les grands centres à travers la province, peu importe où on se trouve, il y a quand même des pénuries de médecins là, par nombre d'habitants. Donc ça, c'est une question qu'on peut se poser. Donc si on rajoute des gens des régions qui s'ajoutent déjà à la multitude de patients qu'un médecin de famille, par exemple un médecin généraliste, devra couvrir, c'est sûr qu'on n'y arrivera peut-être pas. Mais si on donne... Bon, ça, c'est une autre question, parce qu'on va falloir donner d'autres pouvoirs peut-être à certains acteurs du milieu de la santé. Je pense aux super infirmières en autres, mais ça pourra peut-être justement devenir un outil de, je dirais pas de démocratisation des pratiques, mais d'accessibilité des pratiques dans la mesure où ce qu'on aura besoin sur place, c'est d'une infirmière, d'un médecin à distance. Donc, ça pourra permettre peut-être une certaine souplesse. Donc, ça reste à voir. Il y aura des analyses, il y aura de la réflexion qui se poursuit, en fait, j'en suis certain, autour de ces dossiers-là. Mais c'est intéressant de voir donc qu'il y a des projets comme ça qui sont en train d'émerger. Et parallèlement, d'autres éléments que j'ai retenus de la GIC 2011, c'est cette idée notamment des TI comme outil de consolidation des communautés ou une mobilisation sociale. Consolidation des communautés, exemple, du côté de la ville d'Ottawa, ils ont été l'une des premières à ouvrir leurs données, donc à rendre disponibles des données non sensibles, registre de cadastre, de l'information sur les parcs, des éléments comme ça, donc qui sont pas de l'information critique, l'information qui est reliée à la loi sur la vie privée et qui peut être rendue disponible aux citoyens et citoyennes puisque cette information-là a été colligée avec les taxes. Donc, le conférencier Guy Michaud, qui est directeur des services technologiques là-bas, disait, mais regardez, on s'est lancé dans cette aventure-là. On était parmi les premiers avec Vancouver, Calgary, Toronto. Et la réponse a été ahurissante, en fait. Ils ont lancé un concours avec un budget de 50 000 $. Il y a eu 80 applications qui leur ont été soumises, une centaine d'idées d'applications mobiles, par exemple, proposées par des citoyens et citoyennes. Et tout ça réalisé pratiquement bénévolement, au bout du compte. Et donc, lui disait, regardez, ça a été une manière d'aller impliquer différemment les citoyens et citoyennes pour que eux puissent prendre en main le développement, l'évolution de leur ville. L'autre parallèle qu'on peut faire aussi, et il y avait Sophie Langlois qui est correspondante en fait à Afrique pour Radio-Canada, qui était sur place pour réfléchir un peu au printemps arabe. Mm-hmm. Et là, ici, on parle d'éthique comme outil de mobilisation sociale, parce que elle disait, regardez, c'est évident que de dire que c'est la révolution Facebook, c'est un peu mentir dans la mesure où il y a tout un contexte qui explique ce qui s'est passé et ce qui se passe toujours, dans le fond, dans les pays de la région arabe. Par contre, il faut effectivement souligner cette idée que les blogs, les réseaux sociaux, les différents médias liés à l'Internet ont permis à cette révolution-là de prendre place dans l'échiquier international, de se faire connaître hors du pays et aussi, dans certains cas, comme la Tunisie, de se mobiliser aussi à l'intérieur même du pays. Et nous a montré, par exemple, avant que le régime de Ben Ali tombe, des reportages qui étaient entièrement réalisés à l'international avec des images filmées avec des appareils mobiles par des blogueurs, oui, par des internautes. Là. Ça, c'était particulier. Et d'ailleurs, et dans le même type, et je sais pas, et je sais que c'est pas totalement rattaché aux révolutions arabes, mais je sais pas si tu connais le projet qui s'appelle One Day on Earth. C'est assez incroyable comme projet. Ceux qui ont l'occasion d'aller voir ça, c'est un peu dans la même procédure. Ça démontre à quel point les images qu'on peut récolter à partir des différents véhicules qu'on a actuellement permettent de réaliser des choses à distance. Mm-hmm. Donc, ce qu'on a proposé là, dans One Day on Earth, vous irez googler ça si ça vous intéresse, c'est qu'on a demandé aux gens, finalement, de filmer leur journée et ensuite d'envoyer ça aux producteurs du documentaire. Et ça a créé là, une banque de données de 10 000 heures, finalement, de vidéos. Alors, imaginez-vous là, la possibilité possibilités qu'on a maintenant rapidement de collecter, colliger l'information et ensuite de se créer des reportages. Écoutez, avec 10 000 heures de matériel vidéo gratuit comme ça, là, les producteurs pas rient dans leur barre, mais en même temps sont super heureux. Ça dépasse là, tout entendement, oui, parce que c'est devenu tellement surréaliste. 10 000 heures avec seulement des gens qui, pour une journée, ont décidé d'envoyer des images. Et c'est avec des initiatives comme ça qu'on pense à des projets de santé, qu'on pense aux médias sociaux comme outil de mobilisation, à des questions de données ouvertes de gouvernement qui se renouvellent, finalement. Donc, où on se rend compte à quel point les technologies sont en train de redéfinir notre société et, à mon sens, de la redéfinir pour le meilleur, au bout du compte. Donc, de voir de quelle manière, maintenant, on pourra pousser ça plus loin ou continuer de pousser ça pour en favoriser des développements qui seront correspondantes aux espoirs des citoyens et citoyennes en lien avec les gouvernements, les institutions. Mais donc, de ce que je retiens donc, de cette journée GIC 2011, c'est vraiment donc, cette idée que les TIC sont des outils qui sont en plein développement et autour desquels il y a des projets extrêmement stimulants qui sont en cours et qui vont amener notre société donc, ailleurs et qui sont en train d'amener notre société ailleurs. Excellent. Mais merci beaucoup, Raymond Poirier. Ça me fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine, donc vendredi. Merci beaucoup.